L'amoureuse. L'amoureuse, d'après un poème de Paul Éluard de 1926, que je vous lirai à la fin. Mais maintenant, réjouissez-vous, peuple, amis, membres de CKRL et les autres. Les autres, là, c'est ceux qui sont... Elle est debout sur mes paupières. Mais là, c'est bien beau être debout sur mes paupières, là, mais ses talons hauts, j'avais dit. J'avais mentionné avant, sachant que Distel l'avait déjà vécu 2 semaines avant moi. Il m'a dit, il m'a appelé. C'était bien sûr à longue distance. Moi, j'étais tout près de mon appareil téléphonique parce que Skype. Skype My Skype. Non, mais ça n'existait pas à l'époque. Mais là, moi, ça s'est pas passé en 1926 comme mon ami Paul. Là. Moi, c'est en 97. 1997. C'était, pour être plus précis, même sans vous faire peur, parce que je sens que certaines personnes ont la paupière fragile. Jour pour jour, mon histoire se passe le 27 novembre de l'année que je viens de vous énumérer. Il m'avait appelé Sacha en disant que sa petite copine qui aimait bien les animateurs radio allait passer vers Québec. Mon ami Sacha était en Belgique, à Neuchâtel. C'est en Belgique, Neuchâtel? Oui. À Liège. Mais c'est bien beau être à Liège. Mais là, je disais, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, elle viendra pas en avion. Il n'y a plus d'avion dans ce temps-ci. Dans ce temps-ci, plus de permis d'avion. Moi, là, mon hélicoptère est rangé. L'hiver va arriver. Scooter rangé. Et il m'a dit, mais non, elle a des talons hauts. T'as jamais entendu ça, là, de 7 lieues? La version que j'ai, moi, dans mon grand livre d'espoir, c'est les bottes, pas des talons hauts. Mais c'est vrai que le vendredi, tout peut changer. Hein? Les talons peuvent devenir des souliers, des briques, des sacs de couchage, un sarcophage, la mort. Mais, donc, il m'a dit, fais attention à cette jeune... pratiquer un sport assez dangereux que moi, je connais très bien le protocole. Parce que si tu connais pas le protocole, tu risques de te trouver pas à l'école, mais à l'hôpital. Ça joue dur, là, hein? Le marteau pis le clou, c'est pas toujours frappé sur le bois, ça, là. Il y en a qui aiment ça se faire clouer ça sur l'indifférence ou sur la progéniture de ses futurs enfants. Et puis, donc, il m'a dit, hey, cette fille-là, si elle te monte sur la paupière, demande-lui d'enlever ses talons hauts, parce que là, j'ai eu depuis ce temps-là, là, j'ai un problème. Voyons donc, mon Sacha, ton grand succès, M. Cannibal, là, tu peux pas remédier à acheter des gouttes à un prix forfaitaire, un prix énorme pour te faire, pour que se retire de ton œil le côté rougeâtre de cette anomalie sexuelle. Il dit, non, j'ai plus de maudite tienne, moi, là, M. Cannibal, ça fait longtemps que je mange plus de ce genre de viande. Fait que je m'éponge avec de l'eau venue de l'océan lointain. Tellement lointain qu'avant que ça m'arrive, c'est pollué. Ça n'a rien à voir avec Paul Éluard. Polluer, Paul Éluard. Ben non, c'est merveilleux. Sacha, on t'aime, on t'embrasse partout. Et puis là, c'est ça. Ben, tu lui demanderas, Sacha me dit, tu lui demanderas d'enlever ses talons hauts, parce que ben, à force de faire ça à tout le monde, hein, ça devient contaminé. C'est un talon contaminé, là. Peut-être qu'elle va propager une nouvelle maladie vénérienne, ça ne sait pas. Elle ne sait plus, mais elle-même, mais elle est comme ça. C'est ce qui fait son charme. Alors, mon papa, elle dit, elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Ça, c'est le petit côté de Jojo Lamoureuse, hein? Je vais vous raconter. Elle joue dans ses cheveux. Là, c'est plus. Est-ce que c'est ses cheveux à elle, ses cheveux à lui? Mais comme c'est Kodjak, tu dis, oui, il me semble qu'à lui, il n'a pas de cheveux. Puis là, il se trompe, c'est pas ses cheveux. Là, hein? C'est son torse. Il y en a du poil sur le torse, Kodjak. Ah, mon Dieu. Elle a la forme de mes mains. Ce que ça veut dire, c'est qu'il tient une photo de cette créature. C'est pour ça qu'elle a la forme de ses mains. Là, c'est bien beau la compréhension 101. Là, si tu as de la difficulté à suivre les mots, tu me le dis, envoie-moi à renalquebec@commercial.com des. Hein? Omé.com. Omé. Oh, mes enfants. Omé.com. C'est un nouveau courriel, ça, là. Toutes les hotmails sont pleins. Savais-tu ça, moi? C'est pas juste ton beau-frère qui est plein, là. Les hotmails sont pleins. Ils sont pleins de noms. Hey, savez-vous? J'ai appris ça il y a quelques semaines. Savez-vous combien d'adresses courriel qui n'ont pas de référence, c'est-à-dire qui sont associées à personne, tout simplement parce que quelqu'un voulait ouvrir un compte, donc il fallait un courriel, il s'est inventé quelque chose. Il n'a jamais vu, il n'a jamais ouvert ce courriel, ce nouveau numéro de courrier. Donc, il est vacant. Là. Après, je pense, 6 mois, ça s'évanouit dans le cyberespace. Il y a 3 850 000 personnes qui ouvre des comptes comme ça. C'est juste sur Hotmail. Imaginez-vous partout, là. C'est un scandale, ça, là. C'est... Hein? On dit que les gens achètent de la nourriture puis jettent ça. Pas parce que c'est cybernétique qu'il faut dépenser le même, là. Le recyclage. Même dans ce qui n'est pas... qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas tangible, qui n'est pas matériel, on doit faire attention à ça. Nos idées, il faut faire attention. Tout le monde en a plus, là, aujourd'hui. Oh, oui, je viens de penser à quelque chose. Mais on t'a pas pensé. Il n'y a plus personne qui pense. On réfléchit, je l'ai dit souvent. On réfléchit à des nouvelles chansons. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Mais là, mon Sacha a dit, moi, garde-moi ça, là, les conjonctivites qui me poussent comme des champignons magiques. Là. C'est souffrant, ces affaires-là. Là. Tu te couches le soir, tu te lèves le matin, puis capable d'ouvrir les yeux, tu colles les... T'essayes d'y ouvrir, tu dis, oh non, je suis rendu aveugle. Oh non, on doit même plus dire aveugle, je suis non-voyant. Non-voyant. Ah, t'es aveugle. Non-voyant. Pourquoi non-voyant? Mais je vois rien, je suis non-voyant. On disait un certain, il n'y a pas si longtemps, on disait aveugle. Non. Il est boqué, le Sacha, là, hein? Monsieur le cannibale, là, on va le faire cuire dans un chaudron. Après ça, on va le placer dans un chausson sans pomme. Pom. Et puis, donc, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre. C'est plus fort que le Kéluk, là. Hein? Le gars qui est plus vite que son nom. Luc. Plus vite que son nom. Ça fait peur, hein? Une publicité comme ça, les gens vont pas au théâtre, vont pas au cinéma. Comme on disait à une certaine époque, ils iront jamais aux vues. Ils iront pas aux vues parce qu'ils veulent pas voir ça. Ça fait peur. Juste le son. Ah ouais. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Là, c'est le suprême qui me parle, là. Quand le suprême te parle, tu l'écoutes. Là, t'arrêtes de fredonner, là. La mer qu'on va danser. Non. Là, c'est peut-être la dernière fois que tu vas entendre cette voix-là, là, avant de le voir. Là, tu l'entends, mais là, tu vois, quand tu vas le voir, c'est trop tard. Là, tu dis, c'est quand même trop tard, mais il reste d'avoir un peu de plaisir en haut, là. Ah! Tout le party se passe, là. Oh, en enfer, pas au ciel, c'est une platitude, là. Oh, mon Seigneur, les gens sont là avec leur bénitier, leur dentier, ou je vois tout ça, puis jusqu'à l'éternité, puis tandis que, hey, en enfer, il y a des choses à faire. Ah, oh, les casinos sont toutes là, les filles sont en joie, les filles en joie, les filles pour joie, là. Oh. Elle s'engloutit dans mon ombre. J'ai dit ça. Hey, wow! Hey, reviens! Ouais. Non, l'image est perdue. Comme une pierre sur le ciel. Hey, moi, j'ai eu une pierre sur le rein l'année dernière. L'année dernière. Le 11 novembre 2014. Hey, monsieur. Hey. Ça, j'ai mis ça sur mon parterre parce que la pierre, elle faisait comme, tu sais, l'Astérix. Obélix, là, avec sa Memphire, là, son... Sa Memphire. Son menhir. Bon. Et puis, c'était gros comme un menhir. C'est pour ça que c'était lourd. C'était lourd à porter, une pierre sur le fouet. Ah! Comme une pierre sur le ciel. Mais là, sur le ciel, moi, j'ai jamais eu ça. Quoique, j'ai jamais vécu ça, là, être au ciel. Oui, en avion. Mais toucher au ciel sans quand même un transport, j'allais dire volatile, un transport qui nous transporte quand même. Un transport qui ne transporte pas, ça ne transporte pas fort. Hein? Raymond? Oui, c'est vrai que oui, par la force de l'esprit, on peut se transporter ailleurs. T'as raison. Oh oui, pas besoin d'être dans un engin motorisé ou électrique ou tout ça. Vous avez, tout ça, vous avez raison, madame. Elle a toujours les yeux ouverts. Et comme moi, elle souffre de somnambulisme régional. Moi, c'est somnambulisme à travers toute la région de Québec. Là, je peux me promener, là, dire je dors pas. Je suis en pyjama. 24/24, 365 jours par année, moi, je suis en pyjama. Je me promène dans les rues. Je dors pas. Les gens me laissent aller. Ils ont peur. La police. Elle a rien à me reprocher. Je suis habillé, je suis en pyjama. Pas de bas, pas rien, mais pieds nus. Comme des petits Jésus. J'ai dit, si Jésus était pieds nus, Rénal va être pieds nus. Fait que là, je m'endors pas. Je dors pas. Je monte la 3e avenue en direction de CKRL. En fait, je descends en direction de CKRL. Je dors pas. Là, je suis au coin de la 3 et de la 4, 405, 3e. Je rentre à CKRL. Je dors pas. Monte les marches. Je dors pas. M'en va voir Tania Beaumont. Je dors pas. Elle dit, repose-toi un peu. Je dors pas. M'en va voir mon ami Danny Fortin. Le pro. C'est le grand Manitou de CKRL. Je me suis dans son lazy boy. Je dors pas. Il dit, monsieur, t'es surmené, toi, là. Je dors pas. Mais non, je dors pas, là, mais relax. Là, il me prend le goût de me relever. Non, ben, je sors de CKRL. Non, ben, là, ma carte de membre, là, je rentre à l'intérieur. Je dis, je suis encore membre, là. Hey, j'ai un cauchemar, Ben oui, Rénal, c'est jusqu'en 2016. Relax, 2016. Ouais, 2016, c'est dans un mois et demi. Ah, non. Fais-toi, non. C'est encore une tonne 9 mois. M'en coucher, je dors pas. Je dors pas, m'en coucher. J'ai pas mal, il y a donc. Là, pourquoi je dors pas, puis pourquoi je couche? Ah, mon Dieu, non, voyons, tu vas accoucher d'absolument rien, quoi, que ta carte de membre expirera au mois de septembre 2016, septembre. Non, mais dis-moi, maman Camille, derrière moi, là. Fait que là, je me retourne, je dors pas, je descends les marches, je dors pas. M'en vais en direction du café Ralus Malus. Ma Lucifer, une petite visite là, puis là, je me place sur une table. J'essaie de somnoler, tu sais, en version indienne, là, les mains sur la table, puis la tête, c'est les mains. En fait, je pensais pas que j'étais bon pour le cycle du soleil. Je dors pas. Et là, on vient m'offrir un café. Tiens, ils savent que je dors pas. Là, non, notre café est en purification. en flux de caféine. Et puis, si vous voulez, on peut vous arranger ça décaféiné. Comme ça, ça ne vous empêchera pas de dormir. Genre, ben, on sait que vous ne dormez pas, monsieur. On le sait, on le sait. Même vous avez votre conjointe hein, qui est passée avant. Non, il y a 3 semaines. Puis même, on l'a enregistré sur des facettes. Allez-y. Attendez. Oui, mais ça, on s'excuse infiniment de l'incompétence de tout ça. Mais non, c'est votre frère, c'est notre frère. Ben oui. Réal Brisebois. Il se promenait, lui, regardez. Écoutez bien ce qu'on a. Hein? Il vous ressemble, hein? C'est bon. Alors, elle a toujours les yeux ouverts et ne laisse pas. Et ne me laisse pas dormir. Hein? Je recommence. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière. C'est bien d'avoir des rêves en pleine lumière. Parce que c'est plus lumineux. Lumière lumineuse. C'est éclairant. Ça peut même t'amener plus loin dans ta vie en te disant, il me semble que j'ai rêvé à ça, là. Il me semble que c'était bon de choisir le 53 en supplémentaire. Ou non, de dire oui. Non, de dire oui. À la prochaine question que quelqu'un me posera de sexe opposé. Hein? Là, tu rencontres une ancienne copine. Passes-tu 1000$? Oui, une phrase dans mon sommeil, puis même si je dors pas, qui m'a suggéré fortement, très fortement, de dire oui à n'importe quelle féminine poseuse de questions. Et donc, comme c'est toi, moi, te le passe, c'est le 1000$. Veux-tu un chèque? Veux-tu en liquide? En solide? Ou en nature, en nature, hein, comme à l'époque. Oh. Elle dit, oh non, je connais ça, la nature que tu vas pouvoir. Non. En liquide non plus, je connais ça, ton liquide. Non. Un chèque. OK, parfait. Et puis, elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière, comme je vous dis, rêver en pleine lumière, c'est sublime. Ses rêves font s'évaporer les soleils. Pour les insignifiants, les savants, pour ne pas dire les génies qui osaient nous dire depuis tant d'années, il y a juste un soleil. Incompétent, Paul Éluard dans L'Amoureuse 1926, il dit « Font s'évaporer les soleils. » S-O-L-E-I-L-S. Il y a plusieurs soleils comme il y a plusieurs lunes, comme il y a plusieurs personnes qui habitent sur la Terre. Il y a plusieurs intraterrestres, extraterrestres et monstres qui vont venir nous chercher. Bon, ensuite de ça, me font rire, pleurer et rire. Il rit, pleure, puis il rit. Donc, il revient à son état naturel. T'sais, il est comme rire aux larmes. Imaginez-vous, madame, mademoiselle, un grand comédien. On va appeler Gérard Depardieu. On va appeler Gérard Depardieu pour lui demander s'il peut pas rire. Ensuite, pleurer et rire. C'est le plus grand comédien au monde actuellement. Est-ce qu'on l'avons-nous en ligne, Gaétan? En Russie. U-S-S-R. Est-ce nécessaire de le dire? Nécessaire. Russie. L'ancienne Russie, en tout cas, diplomatique algérique, motomalique. Hein? Phallique. Nous l'avons. On l'a peut-être réveillé. Gérard? Étiez-vous dans un sommeil profond? On vous appelle sur votre cellulaire. OK, vous étiez au bar? Gérard. Au bar. On aime ça, Gérard Robard. Ah, hey, Gérard! On sait que est-ce qu'on peut se tutoyer? On se connaît, là. Ça fait 15 secondes qu'on parle ensemble. Bon, on est des grands amis. On a fraternisé, là. Bon, j'ai une question qui ne va pas mourir. Et c'est Gérard! Êtes-vous encore là? Oui, ça, c'est ce que vous allez entendre demain matin. J'ai bu sur le Québec, Wonder, Mister, Mister, Pipan, American. J'ai bu où je suis rendu. care of the rest of their own paper. Be pan America. Gérard, alors ça va? Bon, on était en transe, hein? C'était beau, hein? Allô? Pas ça, vous aviez. Bon. Avez-vous digéré votre 4 heures? Excellent. Vous êtes le plus grand comédien au monde. 6 pieds 7. Couché. bon. Pouvez-vous nourrir le peuple entier? Non, non, pas ce rire-là. Nourrir, pas nourrir à manger, mais nourrir dans le sens de nous faire rire. Eh, monsieur. Ah ouais, une 37 au coin. Nous faire, excusez-moi. Elle a toujours les yeux ouverts. Faire rêver, hein, font s'évaporer le soleil. Me font rire, pleurer et rire. Pouvez-vous rire, pleurer et rire dans la même intonation théâtrale, dans la même émotion théâtrale, dans la même acceptation d'un personnage imaginaire venu d'ici, du 89.1, la première radio associative francophone au monde. Pouvez-vous, M. Gérard Depardieu, nous faire rire, pleurer et rire? D'accord. Allez-y. Pleurer, rire, pleurer et rire. Bravo. Merci, Gérard. Coupez les lignes entre nous. Merci, Gérard. Bravo. Et puis, donc, me faire parler sans avoir rien à dire. C'est moi. Alors, je redis le texte entier de mon ami Paul Éluard, qui est bien sûr, un poème surréaliste comme je les aime. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains. Elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire. On va recommencer la semaine prochaine peut-être un autre texte. Nous allons épurer. Monsieur le Président, Monsieur les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme. Et puis, hey, je vous fais un cadeau, là, avant 2 heures, un petit mini-concert, Gainsbourg, juste pour nous. Voilà. Avec votre magicien du surréalisme, Reynald Lenéant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Oui, elle s'ouvre. Ah ouais, ouvre-moi ça, les portes de l'imaginaire. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier Reynald Lenéant Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 27 novembre 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de Bastien Lallemand. Bastien Lallemand est un auteur, compositeur et interprète français, originaire de Dijon. Avant d'entamer sa carrière solo au début des années 2000, il était membre d'un groupe nommé « Les Joueurs de Bic ». En solo, il nous donna 4 albums, « Les premiers instants » en 2003,

de ton style, de ta musique, de ton environnement. C'est des chansons qui doivent se faire pour pouvoir en amener une autre qui, elle, va progresser. Voilà. Et qui, on peut pas dire, mais là, je vais écrire ça, puis ça paraîtra pas, donc je n'irai pas au bout. Tu vois, tu as un mot pour pouvoir en faire une autre, puis en faire une autre, qui, elle, sera entendue à un moment donné. C'est ça, de toute façon, tu donnes à voir de toi, dans un disque, mais c'est dans la vie de tous les jours, partie. C'est ça, un disque. Et moi, ça ne... Je ne juge pas que ce que je mets de côté puisse avoir un quelconque intérêt. Si, c'est un intérêt, mais dans le work in progress, dans la progression, dans la dialectique de l'écriture. Quoi. Alors, tu es vraiment penché sur la philosophie d'écrire et sur la philosophie, c'est un mot qui m'a un peu, que je trouve un peu fort et un peu peur, mais en tout cas, oui, sur le... Mais ce qui me plaît, c'est que tu fais un peu comme Duras, tu es l'écrivain qui se regarde et qui réfléchit sur l'écriture, donc tu es un chanteur qui écrit la musique et qui te voit écrivant une œuvre musicale. C'est comme une interrogation sur ce que tu fais, ouais, et mais parce... c'est une interpellation aussi vers les mots pour créer autre chose. Je faisais ça, hein, dans... Mais, alors là, je vais te répondre en toute modestie, moi, c'est vraiment ça, ce chant-là qui m'intéresse, et en même temps, il faut absolument que ça ne paraisse pas. Ça n'apparaisse pas. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'une chanson puisse être une expérience, un chant d'expérience, et qu'en même temps, elle puisse être aussi une chanson à recevoir directement. Madame Liszt fait des listes de laits, de ses gestes, de jeux de piste. Sur le papier, en pâte d'oie, rédige ses tables de la loi. Le majuscule de notre ennui nous vient tout droit de ce qu'elle trie. Sur le papier, parcheminé, les faits et gestes de la sainte journée. Madame Liszt fait des listes au prétexte de ne point s'y perdre. Elle note chaque heure au point du jour dans un carnet à rebours. Ses listes sont comme gueule de loup, du matin blême à l'heure du loup. Elle offre au papier en pâture les élans de notre nature. Madame Liszt, Madame Liszt, Madame Liszt fait des listes, faire ceci puis faire cela. C'est peine et pire que de porter la croix, ces petits papiers à la croix de bois. Et le mignon perché sur son calvaire ne se doute sans doute pas de mon calvaire. Elle sait de veau d'or qu'elle adore, son livre d'heures vaut bien plus que de l'or. Madame Liszt fait des listes, mon jour de peine est quadrillé comme celui d'un pion sur l'échiquier. Mon désir bien muselé, son jour de gloire est affiché après les courses en fin de journée. En fin de liste, en bout de piste, le ciel de ma nuit étoilé, Madame Liszt, Madame Liszt, son jour de gloire est affiché après les courses en fin de journée, en fin de liste, en bout de piste. Le ciel de ma nuit étoilé, Madame Liszt. Madame Liszt. We'll be right back. Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Indifférente à toute apparence, et c'est tant mieux. Deux, trois têtes le dépassent, et sans baisser les yeux, elle affronte le regard des curieux. Quand elle baisse les yeux, c'est sur son petit monsieur. Oh monsieur, soyez heureux, à l'étage de son cœur, c'est l'endroit le plus moelleux, tout pour votre bonheur. Et quand on la voit passer derrière le parapet, on est bien vite tenté de donner du sifflet, en risquant pourtant de le fâcher. Lui le petit monsieur caché par le parapet. Oh monsieur, pourquoi s'énerver, laissez-les à leur fête. Car après tous ces sifflets vous passent dessus la tête. Ah si seulement vous étiez de trois têtes plus allongées, plus élancées qu'elle n'est, seriez-vous pour autant aussi bien logé que maintenant, avec vue sur sa voie lactée. Ah là là, quelle vue vous avez là. La la la la la la. La la la la la la. Et quant à son balcon, elle apparaît, la géante. Ils sont nombreux ceux qui ouvrent une gueule béante, en rêvant à leur fête galante. Combien sont-ils qui remarquent au balcon de la menthe un monsieur que les polis disent de petite taille, un monsieur pris dans les plis, des pieds jusqu'à la taille, mais qui jamais ne se départit d'un grand sourire, que fièrement il arbore quand elle pousse un soupir, quand elle se plie en deux pour lui dire tout ce que des amants peuvent l'un l'autre se dire. Oh monsieur, petit monsieur, vous êtes mon grand amour, s'il vous plaît pour mes beaux yeux, de grimper à ma tour. Ah pensez monsieur, si vous étiez aussi grand que ces grands dadais, aussi benet jamais, vous ne tiendriez dans son cœur et serré comme maintenant, l'auriez-vous pu voir d'aussi près. Ah là là, quelle vue vous avez là. La la la la la la. La la la la la la. Et quand il pleut, c'est encore nous les plus arrosés, lui reste bien pelotonné en son cœur abrité, on croirait l'entendre ronronner. C'est un monde, mais que voulez-vous, l'endroit est douillet. Un monsieur qui si petit dans un verre se noie, une dame parapluie le couvre sous son toit. Si même nous allions défiler sur les genoux, en nous faisant plus petits, en bourrant de cailloux nos poches pour paraître debout. Aussi petit que cet homme qui se pend à son cou. Non monsieur, n'y pensez pas et veuillez s'il vous plaît prendre garde de vos pas pour ne pas l'écraser. Nul ne sait où il a bien pu passer, en train de nous ou bien coincé, près d'étouffer, happé, dans un pan, dans un pli, ou bien réfugié bien à l'abri. Où je crois bien l'avoir senti, où je crois bien l'avoir senti. Ah ouais? Dans un pli de mon anatomie. Et pas trop complexe. Et pas trop complexe, c'est très très simple. C'est pour ça que je pendant un temps, on m'a un peu taxé de... Quand c'était pas élitiste, c'était en tout cas... Musique intellectuelle. Musique intellectuelle. Ben, écoute, Albin de la Simone aussi, sur France Inter, il passait une émission il y a 3 semaines et on disait de lui que c'était un chanteur... un chanteur intellectuel. Et ça... Je trouve ça, oui, pareil. Sur France Inter n'est plus ce qu'elle était. Oui, ça, c'est vrai. Mais je trouve ça blessant parce que c'est... je crois pas ça. Et d'autant... Et Albin et nous, on a beaucoup de discussions avec ça. On est très attentifs à la simplicité, à l'accès, à l'ouverture de notre travail. Moi, je comprends pas forcément que mon travail soit confidentiel au point où il l'est, sous ce prétexte-là, parce que je le trouve pas du tout élitiste, je le trouve très simple. C'est très simple, mon champ lexical est simple, il n'y a pas de... C'est pas abscon, il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas de formule compliquée. Je reconnais des artistes qui ont quand même cette tendance à une verbalisation un peu sophistiquée. Alain Bachelot. Par exemple, que j'adore. Hein.

et les chevaux qui t'emportent sur ces plaines. Dans les nuages, je chevauche près de toi. Mais le jour se lève, t'emporte loin de moi. Oui, le jour se lève, t'emporte loin de moi. Écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. Celui qui me fera renoncer me verra pied à terre rebrousser. Elle pourra longtemps pleurer la griffe du mois de mai et sa mère et son père sur le quai. Rengainez vos fiançailles, il est loin le fiancé. Oh diable vos épousailles, je n'ai plus de peur à nocer. Non, plus le cœur à danser, à rouler dans la paille, à regarder les trains s'éloigner. Il me faut prendre campagne sur les charbons ardents, à cheval sur les rails, droit devant. Remisez vos fiançailles, je ne suis plus homme à marier. Oh diable vos épousailles, je n'ai plus le cœur à aimer. Non, plus de cœur à marier, en os à convoler, et tous peuvent aller se ramiller. La jolie qu'on a coiffée d'une couronne de bleuets a laissé le vent tout emporter. Oubliez les fiançailles, il n'est plus temps d'évoquer. Oh diable vos épousailles, je n'ai plus de cœur à donner. N'est pas né celui qui me mènera faire au pied, me dira qu'il est temps d'épouser. Et pour m'apprendre à danser, au vent me balancer, voudra me suspendre à son pommier. Oubliez vos représailles, il vous reste à consoler. La mariée petite caille va voir son petit arriver. La mariée petite caille va voir son petit arriver. Forme le gang Marrow. du Clyde autrefois. C'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement animé. Sur elle et moi, on prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire ce qui se met à gueuler. Qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou une banque se fait braquer, pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Ebony Parker. Chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, un et trois jours, voilà le tac tac tac des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Ajustez bien vos accroches. On va danser le maquillez vos lèvres les gars avec des rouges délicats. On va danser le fixatif et coronal. On balance le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. mais tu es fixatif, Corin. On va danser le. Pourquoi tout à coup me couper la main, me passer la corde au cou et serrer le nœud? 6 mois passés dans ton lit, je porte ma croix. Tu sombres dans la folie, je rends ma carte. Main, le, croix, enfin c'est pas permis d'avoir de jolis seins. Ça. Sans mes mains que tu mutiles, que tu coupes à la scie. Si. Adieu ton dernier espoir de quitter la secte. Secte. Adieu la terre, moi ce soir je prends la fuite. Fuite. Je te tuerai volontiers, mais j'ai peur d'être veuf. Veuf. Sans repère, sans parapet, de tomber dans le vice. Vice. Toute une vie consacrée à devenir bonze. Bonze. Toute une vie massacrée et finir bouse. Je vois les premiers jours, les fleurs et les fraises. Fraises. Les grands voyages en amour, la Corse en carrosse. Carrosse. Je nage au milieu d'un rêve, mais tu me pinces. Pince. Si je me jette en arrière, tu tires ma chaise. Je caresse le rêve fou d'effacer nos disquettes. Moi, ton capitaine igloo, toi ma princesse inuit. J'aurais été ton mari à Villeneuve. Putain, mais qu'est-ce qui t'a pris avec ma main? Mais je ne suis pas vendéen. Sur la commode, entre les poux, sous les dorures, sous les tableaux et les bouquets, en déroulant son ombre dessus, les pâles murs, et sur les photos encadrées, elle se faufile à pas feutrés, subrepticement, sans rien toucher. Quelquefois s'étirant dessus les canapés, lascive comme une odalisque, elle se repose allongée dessus les imprimés, et puis s'éclipse entre les plans, rejoignant la cime des toits, elle disparaît en tapis noir. Et sous les astres, sous les étoiles, sous les sunlights, secrètement on l'imagine. Sous les regards hallucinés des cheminées et des fumerolles divines, son ombre d'encre félire dans la nuit bleue de Chine. Sur le rebord de la fenêtre, comme sur un fil, entre le ciel et les persiennes, émouvante au-dessus du vide, en équilibre, elle, la créature martienne, la revoilà tout en

de cet acte sanguinaire. Au milieu de photos de paperasse, à des lettres incendiaires, leur amour est bien mort. Leur amour est tout à fait mort. À la hache, à la corde au couteau, nul ne peut encore dire sur qui lui ont fait ça dans le dos. D'un seul coup sans prévenir, on ne le retrouvera pas de sitôt. Ils ont fait place nette, dans le fleuve il se pourrait bientôt qu'on retrouve son squelette. Leur amour est bien mort, assassiné et sans remords. Et sans remords, cet amour était devenu un poison. Leur amour est bien mort, assassiné, sans remords. À la une tabloïd des journaux, imprimée à l'encre noire, pas une ligne, pas la moindre photo, circuler y a rien à voir. Pas une messe, pas le moindre dévot pour enterrer leur histoire. Pas une larme, pas même un sanglot d'orphelin, de veuve en noir. Leur amour est bien mort, sans couronne, sans décorum, abattu, et pire encore, et pire encore. Liquide sans le folklore. L'attendre sans rien faire, je ne m'en plaignais pas. J'en faisais mon affaire. Je t'assure, ça ira. Mais j'attendais toujours qu'enfin vienne le soir. Enfin soit de retour mon mari, et pourquoi j'attendais tout ce temps à le guetter sans fin, attendant leur tendre qu'ils me reviennent enfin. L'attente au fil du jour, se faisant si pesante, que le temps semblait lourd, que longue était la pente, et pourtant du séjour, à la porte battante. Il est temps de détour pour mon âme impatiente. L'heure où les ombres changent, je le croyais rentrer en confondant les encres à son ombre portée. Et dans la chambre sombre, où tout semble endormi,

dingue. Si tu étais... Abbiamo sorvelato i boschi addormentati e vogliamo sul mare. Si jette un mot. Eterno. Un mot que j'aime, alors. T'aimer. Non, j'aime. Ok, je pensais que c'était le. Non, un mot que j'aime. Ah, ouais, que tu aimes, oui, oui. Di là, sulla sinistra, una notte, una serata insanguinata, brucia. Le mot chant, parce que, mais qui s'écrirait des deux manières à la fois. J'aime bien le chant et le chant. Ouais, j'aime bien le chant. Chant, c'est le chant d'expérience, c'est Jacques le chant Bertin, temps, le chant des hommes, est-ce que tu la connais? Non. Jacques Bertin, le chant des hommes? Non, je connais pas. Tu connais Jacques Bertin? Non. Non, grand chanteur français qui a D'accord, écrit bah trois bio sur Félix Leclerc, chanteur québécois. Et si tu étais qui vient très très gêné de monter sur scène et lorsqu'il nous propose un spectacle, on doit y être. Parce que pour lui, c'est une souffrance incroyable. Si tu étais un aliment. Si j'étais un aliment. Un plat ou un aliment? Un aliment. Je vais être un plat. Je vais mettre un plat de pâtes à l'arrabbiata, manger à Naples. Ok, à Naples, il faut manger ça. Un plat à pâtes à l'arrabbiata, linguine à l'arrabbiata, manger à Naples. Avec un petit rouge. Avec un petit rouge. Ouais, oui. Si tu étais une saison. Stavo pensando che la poesia bulgara è molto influenzata dalla parte orientale comunque. Qui vai verso Turchia, ma dalla parte un po'... Absolument pas l'été. La tradizione un po' sufi, tutta la parte che scende giù fino all'Iran, insomma, scrive molto un po' di poesia. In realtà è molto influenzata. Je serai une intersaison, ça peut être que l'automne ou printemps, ça sera pas l'hiver. Ce sera l'automne. À toi perdu dans ces rivages, les marécages anciens qui dans la brume, enfant si brune, recherchaient ton chemin. Dans les fougères, toi qui t'y perds, n'en reviens plus, t'adresses nues. Qui n'entend plus les voix au loin appeler ton nom sans fin. Dans les fougères, où se tenait ton assassin. Toi que la nuit avait surprise, refermant son écrin, qui t'enfuyait à travers bois, quand soudain trébucha dans les fougères, as-tu senti là sur ton sein l'arme blanche au sang? As-tu trouvé en toi la foi une dernière fois? Toi qui reposes dans ces ravines que la rosée fleurie, toi retrouvé comme endormi l'enfant sauvage dans les fougères, dans les fougères. L'intersaison, j'aime bien William Burroughs.

Le vieux à la peau trouée, l'homme aux bottes, l'homme vain, de qui jamais ne viendrait plus rien, de qui jamais ne viendrait plus rien. Dans sa masure, sombre masure, l'homme n'entend plus son chien. Non, ça pour sûr, cette pourriture n'héritait pas à son chien. Quelle vie de chien. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.